branlito. Jeune et insouciant. Putain, j'ai déconné. Trop idiot, tu me connais. Faire croire à un attentat, c'était juste pour troller. Sale topic de merde, le modo veut pas l'enlever. Je vais avoir les flics au cul, en zonzon je me ferai violer. Alors je cours, m'exiler au Canada. Mon plan de secours, ce n'est plus qu'une question de temps. Gilbert a démarré, putain sérieux ça me casse les glands. Je voulais juste me marrer, paraît qu'ils ont ma teuté sur la cam du cybercafé. Je veux pas que ça passe à la télé. J'ai encore de l'acné, une voiture de flic s'arrête devant moi. Voilà j'ai sprinté, ces PD ne mourront pas. Alors je fuis de tout mon cœur jusqu'à ressentir des douleurs. Les jambes en feu je les ai semées, oui j'ai atteint l'aéroport. Ma mère m'a balancé, elle veut que je me rende, qu'elle meure. Je file au Canada tenter de pécho avec ma gueule de porc. Puceau, 16 ans, ni flic, ni logement, pour me démerder, putain je vais faire comment. Puis ce fut le coup de foudre, je rencontre une gueule à foutre, elle me charme, je suis séduit, je la pénètre avec ma poutre, elle veut vivre avec moi, c'est chouette, j'acquiesce, en lui pinçant ses tétons qui font pouette pouette, ma nouvelle vie commence, enfin notre amour sera une histoire sans fin, elle me pompe le zizi puis je m'endors dans le pays des lutins, je me réveille menotté, c'était une meuf à fauteté, cette pute m'a eu. Chez moi elle veut me ramener. Puis vient l'infâme. La terrible révélation. C'était un piège. Tendu par mon daron. Merde. J'ai baisé mon papa. J'ai niqué mon papounet. Tout ça pour me vendre aux flics. Y'a de quoi se suicider. Merde. J'ai baisé mon papa. J'ai niqué mon papounet. Tout ça pour me vendre aux flics. Y'a de quoi se suicider.